Enchaînement par Henri Duvernoy. Monsieur Cyprien Lecoviel se jeta hors du grabat sur lequel il dormait, esquissa une toilette sommaire, passa un pantalon noir qui était devenu gris, endossa une jaquette grise qui était devenue noire, mesura parcimonieusement le cirage que ses bottes aux semelles feuilletées accueillirent avec indifférence et ouvrit un placard dissimulé dans le mur. À ce moment, Monsieur Lecoviel se recueillit. Son visage prit une expression solennelle et il prit sur ses genoux une forte caisse de chêne divisée en deux compartiments, dont l'un contenait des billes de banque et de la monnaie, l'autre des liasses d'actions et d'obligations. Si un spectacle était capable d'embellir l'avare, c'était bien celui-là. Petit, l'épaule déjetée, portant une barbe de 8 jours, d'un blanc jaune, M. Lecoviel trouva quelque chose qui ressemblait à un sourire funèbre. Il fit un rapide calcul et murmura « J'ai 397 444 francs. » À peine avait-il dit qu'il se repentit de son imprudence. En hâte, il ferma la boîte précieuse, la remit au fond du placard qu'il verrouilla soigneusement. Puis il sortit pour jeter un coup d'œil autour de sa misérable cabane. Personne n'avait pu l'entendre. Sur un terrain de boue liquide, où ne poussaient que des casseroles hors d'usage et des pieux désaffectés, quelques cahutes achevaient de mourir, abandonnées par leurs habitants. Même les enfants ne jouaient plus là, et les automobilistes qui passaient dans cette morne banlieue se dépêchaient de fuir. « J'ai 397 444 francs, » répéta M. Lecoviel, qui parlait souvent seul pour entendre le son de sa voix. « Quand j'aurai 400 000, je m'offrirai un boudin grillé avec de la moutarde. » Sur cette promesse d'orgie, il se mit au travail, couvrit de chiffres un carnet mystérieux, consulta une cote et ne releva la tête qu'à midi. Le déjeuner fut simple. Sur une lampe à esprit de vin, M. Lecoviel cuisait une bouillie alimentaire composée d'arlequins noyés dans du lait. Cela lui suffisait pour vivre. Il avalait cette chose lentement, mâchait avec une sorte de respect attendri, de remords aussi, l'amère pensée que l'eau pouvait remplacer le lait et que des croûtes de pain tiendraient peut-être en place de viande. Il avala donc tout jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière miette, se coiffa d'un feutre gras et prit la route de Paris. Son itinéraire était simple. Il allait devant quelques banques, là où les cours sont affichés. Rien ne lui procurait plus de plaisir que les réflexions qu'il percevait alors. Pauvre bonhomme, qu'est-ce que ça peut lui faire? Quelques financiers tombés dans la débine? Il se faisait alors plus humble, plus courbé, avec la joie intérieure d'un prince qui voyage incognito ou d'un poète de génie qui est pris pour un portefeuille. Cette fois, une sorte de pressentiment lui vint devant le tableau où les cours étaient inscrits. Un pressentiment indéfinissable. Il ne craignait guère les voleurs. La cabane était solidement close et l'entrée du placard impossible à découvrir. Des cambrioleurs n'auraient pu emporter que quelques guenilles innommables, le grabat et une chaise dépaillée. Mais soudain, il se frappa le front et s'écria « Tonnerre de tonnerre! J'y suis! J'ai oublié d'éteindre la lampe à esprit de vin !» Pour la première fois de sa vie, M. Lecoviel prit un taxi auto. En route, il s'étreignait la poitrine à deux mains afin de comprimer les battements désordonnés de son cœur. « Plus vite » criait-il, « plus vite! Vous aurez 10 sous de pourboire !» À ces mots, le chauffeur s'arrêta. « 10 sous de pourboire? Non mais des fois, on prend le tramway quand on n'a pas le moyen !» M. Lecoviel frémit. « Combien voulez-vous ? Un billet de 5 francs. Vous l'aurez. » Il commença de respirer devant la cabane qui avait son aspect ordinaire. Il entra. La lampe s'était consumée sans dommage. Il fallut payer le chauffeur. Un chiffre formidable s'ensuivait au taximètre. M. Lecoviel, après cette abominable journée, reconnut ses torts. Il ne passerait pas impunément 2 fois par des affres semblables. Il fallait prendre une décision et mettre sa fortune dans un coffre de banque, comme on met un enfant aimé au collège avec déchirement. Tant qu'il n'avait eu qu'une 60 000 francs, il avait pu garder près de lui ce petit trésor. Maintenant, le trésor avait grandi. Il irait lui rendre visite 2 fois par jour. Mais dans la nuit, il n'arriva pas à s'endormir. Impossible, vêtu comme il était, de louer un coffre dans un établissement sérieux. On ferait une enquête. M. Lecoviel avait les enquêtes en horreur. Pour inspirer confiance, il s'achèterait donc un costume tout fait, un chapeau, une chemise, un col, une cravate et même une paire de gants. Dès le lendemain, il procéda à ses sacrifices héroïques. Habillé de frais, il eut l'air, avec son veston trop long et son pantalon trop large, d'un épouvantail à moineau. Enfin, il alla chez un coiffeur qui lui coupa les cheveux et le rasa. L'avare en conçut un bien-être singulier et comme un amollissement. La clé de son coffre dansait dans sa poche. Ses 400 000 francs dormaient à l'abri dans une cachette d'acier protégée par des grilles imposantes, par des gardes en uniforme. Il en conçut de la fierté. Il avait mis son enfant dans un collège très bien. Il se sentait tranquille, léger, les pieds à l'aise dans des bottes neuves. Il se regarda dans une glace qui lui renvoya l'image d'un gentleman accompli aux mains protégées par de beaux gants de couleur chocolat. Il était 4 heures de l'après-midi. Sous un ciel léger, le boulevard se livrait avec tendresse au printemps. Il faisait chaud. « Un verre de bière ne me ruinerait pas », songea M. Lecoviel. Mais il repoussa cette pensée avec horreur et reprit le chemin de sa maison. Pourtant, quoi qu'il fît, quelque chose s'était déclenché en lui. Il sentait sourd dans son cœur flétri des aspirations confuses. Et, tremblant devant un avenir de dépenses inconsidérées, de tramways onéreux, de boc-bu à la terrasse des cafés, d'achats de costumes, de gants, de bottines, avec tous les etc. que le luxe comporte, M. Lecoviel prononça tout haut « Je suis fichu. Je suis complètement fichu. » C'était Enchaînement par Henri Duvernois.